De pire en pire, de porte en porte, mais que te dire, aucune m'adore. De pire en pire, de porte en porte, mais que te dire, aucune m'adore. Que te dire, aucune m'adore, aucune ne sait, aucune ne sort. Et que te dire, de porte en porte, le vent porte avec lui ce qui reste des accords. De pire en pire, de porte en porte.